Analyse du 20 novembre 2022, Thierry Pirlot, Sherpa One. L'état profond n'existe plus. Je suis 100% d'accord avec cette analyse de Michel Canon, un de mes copains de jeu sur VK. Je chante la même chanson depuis 2020. L'état profond n'existe plus. Oui, l'état profond n'existe plus et depuis un bon moment. Le fait de ne pas y croire n'empêche pas cette réalité d'exister. Ce rappel est nécessaire, car trop de personnes s'imaginent encore avoir affaire à ce qui a été éradiqué par l'Alliance. Sans entrer dans les détails du pourquoi et du comment, car ils ont été maintes fois exposés ici même, j'aimerais par contre parler des réactions négatives quand l'actualité expose les faits et gestes des personnages politiques ou des affaires. D'abord, sachez, pour ceux qui continuent de croire à l'existence de l'état profond, que tous ces personnages importants et médiatiques n'existent plus. Toute la pyramide, de la pointe jusqu'au système de commandement, a été purement et simplement supprimée par l'armée. Jugée, exécutée, ou emprisonnés, c'est selon. Toutes les têtes connues au niveau mondial ont été remplacées pour ne pas créer de chaos au sein de la population. Le but de la manœuvre de l'Alliance est d'amener progressivement la population à la prise de conscience que nous avons été manipulés et esclavagisés. Parce qu'on ne peut pas leur dire, il faut qu'ils le vivent. Citation de Q. Alors, j'aimerais apporter un éclairage sur l'incapacité de certaines personnes à comprendre ce qui se passe derrière les rideaux. Loin de moi de les stigmatiser, mais il est nécessaire de faire le point sur ce sujet. Comme je l'ai exposé ici, l'Alliance possède un système quantique qui permet de mesurer le degré d'évolution de la conscience humaine par rapport aux événements. Donc, si la prise de conscience n'atteint pas un seuil critique, les révélations les plus importantes sont remises à plus tard, et ainsi de suite. Par conséquent, nous sommes notre propre sauveur, comme il l'a toujours été dit. Si le réveil planétaire est suffisant, alors l'Alliance pourra intervenir au grand jour. Mais cela passe d'abord par nous-mêmes. Quand vous entendez ou voyez une information positive ou négative, sachez que c'est l'Alliance, car il n'y a plus qu'elle. Ne transformez pas cette information en mortifère systématiquement, car vous reculez l'échéance du plan. Réagissez positivement. Ainsi, vous êtes responsable de l'attente que vous créez en étant dans le négatif à tout bout de champ. Je le répète, toutes les infos de l'actualité viennent de l'Alliance. N'ayez plus peur. Maintenant, si vous vous maintenez dans un état d'esprit lugubre, c'est bien sûr votre choix, mais vous contribuez à la longueur du scénario. Inconsciemment, vous gardez l'ancien système dans votre esprit. C'est vous qui écrivez les jours qui passent. Élevez vos vibrations. L'Alliance n'interviendra visiblement pour les révélations que quand vous serez prêt et pas avant. Alors, à vous de jouer. Sherpa One.